Ce soir, à l'aérospatiale, le cri des méduses d'Allen Lake, les laboratoires de la Chambre blanche et Doyon Rivet expose à la Galerie 3. Eh bien, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. C'est Audrey Carreau à l'animation de cette édition du 3 avril, et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, bien sûr, pour vous parler, comme à chaque semaine, d'arts visuels. On a vraiment une émission qui est toute éclectique. On va vous parler ce soir de danse. Et oui, en premier lieu avec Annie-Charlotte Thibodeau qui est déjà avec moi ici ce soir. Bonsoir Annie. Bonsoir Audrey. Alors, on va parler ensemble et revenir sur ce spectacle de danse, Le cri des méduses d'Allen Lake qui a lieu cette semaine parce que c'est une œuvre qui est notamment inspirée d'un tableau très célèbre dont on va vous parler dans quelques instants. Et c'est vraiment une œuvre aussi qui même disciplinaire, je vous dirais, qui est fort intéressante sur le plan des arts visuels à traiter de ça. Donc, on avait envie de vous en parler. On va s'entretenir dans quelques minutes avec justement le chorégraphe, réalisateur, artiste en arts visuels aussi, Allen Lake, donc qui a créé cette création-là. Donc, on va regarder ça ensemble. On va écouter ça ensemble avec lui. Par la suite, on va s'intéresser aussi au laboratoire de la Chambre blanche, qui sont des laboratoires numériques où on a toutes sortes de gadgets. Il faut le dire, bon, je dis gadget, mais quand même des outils numériques extrêmement intéressants de l'impression 3D. On va découvrir ça tout à l'heure avec Claude-Olivier Gay, donc coordonnateur des laboratoires de la Chambre blanche, pour en savoir un petit peu plus. Et sinon, en deuxième moitié d'émission, je vais m'entretenir avec Simon Rivet du duo Doyon Rivet qui inaugure cette semaine une nouvelle exposition à la Galerie 3, donc qui s'intitule Dopamine Opéra. Donc, une œuvre, je vous dirais, qui est à la fois très personnelle, mais aussi très universelle par le sujet qu'elle touche. On va en discuter tout à l'heure ensemble. Donc, juste avant de passer à la pause audio, vous rappelez que c'est cette semaine le Radioton de CKRL. On vous invite ici, l'équipe de l'aérospatiale, à être généreux parce que le Radioton, c'est le moment de montrer notre intérêt pour la diversité radiophonique et culturelle, bien sûr, et de montrer notre soutien à ça. Et CKRL offre tout ça, bien sûr, vous nous entendez à chaque semaine à ce micro, c'est pas toutes les stations de radio qui accepteraient d'avoir une émission dédiée aux arts visuels à toutes les semaines, donc on est très heureux et on vous encourage, chers auditeurs, à être généreux, même tous les montants sont importants, que ce soit 10, 20 $ vraiment, ou plus encore, si vous avez envie d'être généreux, c'est le moment de le faire, donc au courant de la semaine, mais aussi de la fin de semaine, ce sera les 6, 7 et 8 avril, donc ce Radioton ici. Et pour ceux qui feront un don avant le 6 avril, eh bien, vous pouvez gagner des prix vraiment très intéressants ici, de pré-Radioton, des chèques cadeaux, donc qui valent vraiment la peine. Aussi, vous pouvez devenir membre de CKRS, c'est une autre manière de montrer son soutien. Donc, vous pouvez faire le tout directement à la station ici au 405 3e avenue entre 9h et 17h30, mais aussi en faisant votre don via PayPal sur le site ckrl.qc.ca. Alors, on s'en va en musique. On s'en va écouter Polo et Pan. C'est moi qui vous ai sélectionné la sélection audio de cette semaine. Donc, Polo et Pan, un duo français très rafraîchissant en cette période de l'année. On s'en va écouter Canopée. Proche de l'équateur, un point précis. Alors Annie, toi et moi, l'automne dernier, on avait participé à une soirée de projection des films d'Alan Lake et on avait eu vraiment un coup de cœur. Oui. Tout à fait. C'était un coup de cœur partagé. C'était en septembre dernier, donc je le rappelle, dans le cadre du Festival de cinéma de la ville de Québec. On avait eu droit à deux soirées de représentation des courts-métrages d'Alan Lake, ce qui incluait un extrait de Le Cri des Méduses, en fait, dans sa formule vidéo-dance. C'est une œuvre qui avait su capter, tu as tout à fait raison, notre attention assez rapidement. Ce qui nous a donné envie, en fait, de recevoir Alan Lake pour en parler, pour parler de la formule spectacle qui aura lieu tout bientôt chez nous. Ben, c'est-à-dire demain et après-demain, au Grand Théâtre. Et on a justement Alan Lake au bout du fil. Bonsoir, Alan. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça fait un grand plaisir. Donc, en fait, nous, Alain, on avait compris déjà, lorsqu'on avait vu l'extrait du Cri des Méduses en septembre dernier, qu'une partie de l'inspiration pour ce projet-là venait du célèbre tableau Le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, une œuvre majeure de la peinture française qui fait état du naufrage de la Méduse en 1816, qui montre des rescapés dans une composition qui est marquée par l'espoir d'un sauvetage. Puis nous, en fait, ce qu'on voulait savoir pour commencer, c'est ce qui t'a inspiré puis motivé à travailler avec cette œuvre-là, à la réactualiser dans ton travail? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs points de départ, mais c'est sûr que dans la dernière année, j'ai pu avoir la chance de travailler avec plusieurs groupes, grands groupes de danseurs, c'est-à-dire des 8 personnes, 11 personnes. Donc, j'étais attiré par la grande forme qu'on appelle en danse contemporaine. Donc, avoir plusieurs protagoniste sur scène et au même moment j'avais déjà rencontré ce tableau et juste pour son pouvoir évocateur qui est tous ces corps qui se hissent vers le haut dans une genre de pyramide humaine, j'avais un point de départ juste par cette construction chorégraphique là. Enfin, 9 danseurs, enfin je peux créer ces espèces de monticules qui ne cesse de remonter et tomber à nouveau. Ce qui fait qu'ensuite, comme vous l'avez mentionné, après, nécessairement, on s'informe sur le récit. J'ai décidé de m'inspirer de ce récit-là, puisque c'est une histoire un peu horrible qui se passe sur 13 jours, sur 150 naufragés. Il y en aura seulement 10 qui vont survivre. Donc, peut-être les 9 que vous voyez sur scène, ça, je laisse ça un peu... on le sait pas exactement. Et donc, justement, dans ce contexte espoir, désespoir, aussi le radeau de la Méduse est très actuel dans nos contextes de migrants. Il y a beaucoup de radeaux qui s'échouent actuellement sur la côte méditerranéenne. Donc, ce que je trouvais, c'est que ce tableau est autant d'actualité, même si cet événement est Théodore Géricault le peint depuis un certain temps. Oui, et puis tu le soulignais, c'est, je pense, la première fois que tu travailles avec autant d'interprètes sur scène aussi. C'était un nouveau défi, j'imagine. Oui, parce que normalement, on est plus dans un contexte de quatuor ou de quintet ou même de duo. Je préconise beaucoup la forme duo, solo. J'adore cette forme-là en danse. Mais cette fois-ci, d'étudier justement avec 9 interprètes incroyables. Les 9 sur scène sont moitié femme, moitié homme, équipe Mix Québec-Montréal. C'est fantastique de les voir sur scène. Donc, ça a été une grande rencontre humaine, mais aussi très différent en studio parce que c'est une grande communauté, plus les collaborateurs. On finissait avec justement des travails et des réflexions quotidiennes avec 13 personnes. Donc, c'est très, très stimulant, ces échanges-là. Et c'est une chance de pouvoir faire une grande forme en danse. Ça n'arrive pas à tous les jours. Oui, et aussi, il faut le dire, pour ceux qui ont déjà vu tes œuvres, les danseurs sont vraiment impliqués de manière physique très, très forte. Hein? C'est très acrobatique, si je peux dire, ce que tu leur fais faire. Et moi, dans les images, parce qu'on va le voir, Annie et moi, dans les prochains jours, demain, après-demain, mais dans les images qui ont circulé des représentations à Montréal, j'ai vu qu'il y a quand même quelque chose de très sculptural dans les corps, de la manière que tu fais travailler les corps des danseurs, qui me rappelait aussi la manière très, très, très sculpturale des corps qui sont représentés dans le tableau. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. On a travaillé de façon, je dirais, formelle, même si je suis péjoratif parfois quand on travaille formellement en danse. Des fois, ça manque d'une forme de sensibilité, mais ce que je veux dire par formel, c'est justement de représenter différentes formes de tableaux ou de manière très sculpturale cette communauté-là. Fait que ça a été certains points de départ directement liés au tableau et non pas au récit. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 9 personnes? Puis ensuite, il y a eu, comme je disais, le récit, mais effectivement, le côté simple, parce que la démarche de la Factory, c'est toujours de partir d'un film. Donc, comme vous avez vu, Le cri des méduses existera en film. Dans ce film-là qu'on a tourné en juin, vous avez vu certains extraits là, lors de la filmographie FCVQ, on a découvert des matières liquides, on a trouvé une forme d'onirisme, une forme de réalité-fiction qu'on peut sentir aussi dans ce tableau-là. Oui, ce tableau-là n'est pas juste une tragédie, oui, mais Jéricho le représente comme une source. Il y a un petit point blanc au fond du tableau. On ne sait pas si c'est le bateau qui arrive, les chercher, ou le bateau qui fuit. Fait que cette espèce de quête, cette espèce de... Alors, tout ce rapport-là onirique nous a permis, en plus de travailler sculpturalement avec les corps, de transformer le plateau toujours en tableau, par le liquide, par la peinture, par les éléments scéniques. Il y a un décor, il y a des panneaux de plastique transparents, il y a des modules qui font en sorte que le plateau, comme au cinéma, devient un peu... Un montage de tableaux successifs. Donc, parfois à la Factory, on met nos images de films dans nos spectacles, mais cette fois-ci, rapidement, j'ai décidé de ne pas inclure d'images vidéo dans le spectacle, ce qui fait en sorte qu'on a traité cinéma de cette fois-ci de manière plus... Indépendante, peut-être? Ben, indépendante, ou juste de comment, je donne un exemple concret, c'est que dans le film, on a reproduit un lac au sein d'une pièce, à l'intérieur d'une pièce. Donc, on s'est dit, des fois, j'aime amener la nature à l'intérieur d'un lieu désaffecté, une chose improbable, donc comment un lac pourrait exister dans une pièce fermée. Et rapidement, sur scène, on s'est rendu compte que le contexte aquatique était difficile à gérer chez les danseurs. Ils avaient toujours la même qualité, le côté glissant et tout ça. Donc, on a voulu le transposer sur scène, mais modérément. Fait que, tu sais, ça a été une façon de transposer. Fait que des fois, la façon de transposer un film, c'est aussi aller à l'opposé du film. Ce n'est pas obligé de mettre le film sur scène. Tout à fait. Fait que ça reste quand même une action-réaction par rapport au monde cinématographique, art visuel et chorégraphique, mais d'une autre manière cette fois-ci. Pour ceux qui auront vu Ravage et Caveau, les œuvres précédentes. Puis, tu parlais justement là, de ces liquides-là. Moi, dans l'extrait de l'œuvre vidéo qu'on avait pu voir à l'automne, moi, j'avais été marquée par certains tableaux, justement, où on trouvait les corps en transformation qui étaient lentement gagnés par des lacs qui venaient les masquer, des liquides qui les gommaient. Les personnages devenaient un peu vulnérables, par moments affaiblis sous ces nappes-là qui se répandaient à vue d'œil. Puis, j'avais vu justement dans les critiques qui sont parues au sujet de la formule spectacle du Cri des Méduses qui a été présentée à la Place des Arts, j'avais vu le terme plancher liquide. Donc justement, je voulais t'entendre nous parler un petit peu des stratégies de mise en scène. Tu nous disais que c'était pas tout à fait évident là de mettre en scène justement le liquide dans la formule spectacle, mais je voulais voir ce que tu avais utilisé pour nous amener là-dedans. Bien, c'est sûr que justement, il y a une formule très intéressante d'amener ce contexte de transformation, transformer le corps, transformer l'histoire des interprètes sur scène, mais transformer aussi la scène en tant que telle. Ce qui fait que rapidement, les danseurs ont beaucoup d'accessoires à gérer, beaucoup de liquide, de se laver, parce qu'on les voit sur le tableau aussi, cet acte symbolique oui, de se laver, ça, le symbole laver l'enfant, fort. Laver la personne âgée, se laver de nos blessures, se laver que pour être sous une forme d'hygiène, tu sais, lorsqu'on est justement déshydraté et tout ça sur un radeau, quand on sait que... Fait que le lavage est devenu une forme symbolique importante, mais les stratégies ont été appliquées au fur et à mesure et ils sont complexes, puis on les gère encore. C'est-à-dire que le liquide, on ne sait jamais comment ça va réagir, la quantité. Nous avons un personnage autre qu'on appelle une matière visqueuse, parce que j'ai essayé de rendre le liquide un peu plus malléable et dur. Donc, cette matière visqueuse-là, on ne sait pas à quelle vitesse elle est dure à contrôler, à quelle vitesse elle dégouline, parce que cette matière visqueuse-là peut devenir un bébé, une seconde peau, quelque chose d'inatteignable. C'est peut-être dur à dire sans image, là, donc il y a toutes sortes de matières comme oui. ça, et juste aussi la manipulation des différents modules sur scène. Fait qu'il y a toute cette gestion-là qui rend la... En tout cas, ce que les danseurs vont partager, qui rend leur parcours très, très impliqué, très actif. Parce qu'en plus de la danse, ils participent intégralement à changer ces lieux-là au fur et à mesure. Oui, donc, c'est vraiment eux qui se transforment, ils transforment le lieu. Oui, pour ceux qui connaissent bien ton travail aussi, on connaît ce jeu-là qui est très, très judicieux, toujours entre les corps puis la matière, qui nous laisse devant des images évocatrices, une belle liberté dans la lecture, toujours dans les symboles, plutôt dans une forme ouverte plus que narrative. Oui, exactement. Et puis, Alan, juste avant de terminer, je voulais simplement savoir, est-ce que, bon, là, on va pouvoir avoir l'occasion d'aller voir ce spectacle-là demain et après-demain au Grand Théâtre. Oui. Mais en quelle occasion on aura l'opportunité de voir le film si on a envie de voir l'univers du Cri des Méduses dans son intégralité? Oui, le film sera prêt en septembre probablement prochain. Donc, cette fois-ci, la démarche a été différente. On a tourné en juin. Je suis passé à la construction de l'œuvre scénique. Puis, on va monter le film après le show. Donc, on commence là en mai. Ce qui fait que probablement, cette fois-ci, le show va influencer le montage du film. Alors que normalement, le film est déjà monté, puis on le réfléchit. Donc, tu sais, ça reste quelques petites différences. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça influence l'écriture. Mm-hmm. Même si on est proche d'une même démarche. Alors, en septembre prochain, on essaie de finaliser le film. Là, demain soir et jeudi, on a la chance de présenter au Grand Théâtre. La salle Octave Frémazy est tellement... Je remercie le Grand Théâtre et la Rotonde pour m'offrir cette chance-là. C'est une salle merveilleuse pour la danse et pour, justement, ce genre de grande forme-là, mais qui garde un rapport intime. Fait qu'on est très hâte de vous présenter, surtout après avoir... On revient de Montréal, là, à 6 représentations, à guichet fermé. Donc, on est très, très hâte de vous présenter ça demain. Et ne serait-ce, comme disaient certains journalistes de Montréal, ne serait-ce que pour voir ces 9 personnes-là livrer cette aventure-là, ça vaut vraiment le détour. Oui, puis aussi, tu nous as habitués à vivre des sentiments très profonds et des émotions très, très fortes au cours de ces spectacles-là. On n'en sortira pas, je pense, indemne, enfin, d'une bonne manière, je veux le dire, là, mais très fortement touché, ébranlé. Mais enfin, on a vraiment hâte de voir ça. Je le rappelle, 4 et 5 avril au Grand Théâtre de Québec, une coprésentation de La Rotonde et du Grand Théâtre. Je pense qu'il reste encore quelques billets, alors faites vite si vous voulez voir ça. Merci beaucoup, Alan Lake, d'avoir été avec nous et on vous souhaite un bon succès avec ces présentations à Québec. Merci encore pour l'invitation. À demain. À demain. Bye-bye. Bye-bye. Alors, on s'en va, nous, de notre côté. Merci beaucoup, Annie. D'avoir été avec nous. Et puis, on va aller écouter un extrait de Valère, Woody Wagon. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Voilà, je vais y arriver. Aujourd'hui, je m'enfarge dans mes mots. Je suis en compagnie de Claude-Olivier Gay. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, tu es assistant coordonnateur des laboratoires de la Chambre blanche. J'avais envie qu'on en parle parce que c'est quand même un laboratoire assez spécial à Québec, je crois. La Chambre blanche a fait un virage aussi vers le numérique depuis quelques années, mais j'avais envie qu'on en parle de ça. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que c'est le laboratoire numérique de la Chambre blanche? Bien d'abord, merci pour l'invitation. Les laboratoires, c'est un lieu de production. Puis comme tu l'as dit, là, qui est centré autour, du numérique ou encore là, des outils assistés par ordinateur. Mm-hmm. Donc, à la Chambre blanche, on met à disposition de nos membres des outils comme une découpeuse laser, des imprimantes 3D à filament, à résine, une CNC, ce qui se trouve à être grosso modo une toupie assistée par ordinateur pour faire soit du bas-relief là, sur des formats de 4 par 8 pieds ou encore de la découpe de pièces. Mm-hmm. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, on s'arrange pour avoir un inventaire là, minimum en termes de matériel, mais aussi de composantes électroniques pour les gens qui seraient intéressés là, par la programmation, par la robotique. Puis finalement, bon, on a des différents outils là, de captation, là, soit de mouvement sonore ou encore là, de numérisation. Là. Donc, si on avait envie de faire un scan, par exemple, là, du buste de quelqu'un, par exemple, ou d'objets pour les numériser, puis ensuite là, faire du prototypage là, avec ça dans des logiciels de dessin 3D, ben, c'est possible à la Chambre blanche. OK. Et toi, ton rôle au travers de tout ça, les gens arrivent là, premièrement, on parle de membres, mais est-ce que c'est que les artistes ou il y a aussi des gens de la communauté élargie? Comment ça fonctionne? C'est assez large, en fait. Ouais. Je voudrais les diverses catégories de personnes là, qui viennent nous voir. D'entrée de jeu, c'est la vocation s'adressait peut-être plus aux artistes en art visuel, mais on a des gens en design graphique, en design industriel, des gens qui viennent de l'architecture. On a déjà eu par le passé des gens qui venaient du jeu vidéo, du génie civil aussi. Okay. Donc, c'est quand même assez éclaté, là, comme... Ah oui, puis c'est dynamique aussi à cause de ça, tu sais, on a beaucoup d'échanges, finalement, de différents, puis c'est un peu le propre du numérique, je dirais aussi, dans le sens où est-ce que c'est à mi-chemin entre plusieurs disciplines, donc il y a moyen de... Comment je vois ça, là, d'aller toucher un peu à tout, puis il y a ça qui est très intéressant. Donc moi, ce que je fais au laboratoire, je vous dirais que c'est à peu près là, un tiers de travail de technicien, un tiers de travail de formateur, puis finalement, là, naturellement, un peu d'administration. Donc, si, par exemple, quelqu'un serait intéressé à devenir membre, à apprendre comment fonctionne la découpeuse laser, ben, j'offre les formations là, pour les machines, tout ça. J'offre aussi de l'aide technique. Finalement, si quelqu'un avait des idées de projet qui impliquaient nos machines... Puis que cette personne-là avait pas forcément le temps d'apprendre comment ça fonctionne ou pas forcément l'envie, tiens, ça se peut aussi. On peut avoir recours à mes services aussi là, pour usiner réaliser ou fabriquer. Les contrats. C'est ça, okay. Exactement. OK, super. Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont en résidence à la Chambre Blanche aussi. Donc ça aussi, ça doit être le fun d'avoir ce dynamisme-là, des gens qui sont là un peu plus pour le long terme. Il y a de l'accompagnement, j'imagine. Oui, on a un beau programme de résidence internationale, entre autres, puis c'est... Je vous dirais, c'est à chaque fois, c'est de très, très belles rencontres. Là. C'est des gens qui sont passionnés, puis qui, ont un travail qui, à chaque fois, est unique. Là. C'est intéressant. En tout cas, pour moi, dans les laboratoires, c'est vraiment intéressant de rentrer dans leur univers. Là. Certainement. Et aussi, ils offrent... Là, tu parlais que toi-même, tu offrais de la formation, mais il y a beaucoup de formations qui sont offertes par la Chambre Blanche, que ce soit avec ces outils-là dans le laboratoire, mais plus largement aussi, je pense. Quel genre de formation on peut retrouver? C'est très large. Ça va de formation, par exemple, en live coding, à de la documentation photo, en passant par l'apprentissage de logiciels tridimensionnels. Ensuite de ça, on a des petites formations en robotique aussi, là, où est-ce que, je prends par exemple, là, c'est un design open source d'un petit bras robotique. Puis cette formation-là était très populaire par le passé, où les gens, finalement, construisent leurs bras, apprennent quelques principes de base, se font un survol, finalement, pour voir l'étendue là, des connaissances qui sont nécessaires à ce genre de projet-là. Mais sans trop se compliquer la vie. Donc, tout le monde, à la fin, repart avec son petit bras robotique. La programmation était annotée, donc c'est facile d'intervenir ensuite dessus, tout ça. Ça donne un peu, je dirais, le panorama là, du type de formation qu'on offre. Et est-ce que il y a d'autres endroits comme ça à Québec où la Chambre Blanche est somme toute assez unique? Parce qu'on en entend beaucoup parler à Montréal, par exemple, les fameux Fab Labs là, de fabrication de laboratoires où des gens de tous les horizons se rencontrent un peu pour utiliser ces outils numériques-là. Est-ce qu'à Québec, la Chambre Blanche est un peu... À ma connaissance, pour le genre d'outillage qu'on met à disposition, on est les seuls à Québec, là, du moins là, pour un accès là, à quelqu'un qui n'a pas forcément de formation de machiniste ou choses comme ça. On est pas mal les seuls. Ensuite de ça, il y a Espace Lab là, dans les bibliothèques aussi, où est-ce qui commence. En tout cas, on voit ça commencer à émerger du point de vue industriel. Il y a quand même déjà des joueurs là, qui sont bien en place, tout ça, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui voudrait prendre en main ces moyens de production-là, la Chambre Blanche, en termes d'outils assistés par ordinateur, de numérique, c'est vraiment notre créneau. Puis à ma connaissance, on est les seuls à le détenir. Ah, ben c'est vraiment super parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de belles opportunités que ça ouvre, comme on le disait, autant pour les artistes, mais aussi pour une communauté peut-être plus techno-geek. Ben oui, effectivement. Élargie, mais en même temps, comme tu nous disais, ça peut aller même à l'ingénierie et tout. Fait que ça, c'est... Je trouve que les possibilités sont le fun. Puis aussi, ça doit être stimulant pour les membres de se croiser aussi, de que ces univers-là se croisent. Oui, puis à un certain stade, c'est tellement vaste comme champ d'expertise, finalement, tout ce qui est lié au numérique, que souvent, nos membres deviennent chacun les spécialistes de certains domaines. Puis au final, ça m'arrive de les consulter pour comme tel ou tel projet, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant, cette mesure-là aussi. Puis ces moyens de production-là aussi, je dirais, ouvrent des possibles qui sont peut-être pas, comment je pourrais dire, immédiatement concevables, ou des projets qui paraîtraient irréalistes d'entrée de jeu, puis qui finalement, grâce à de la découpe assistée par ordinateur, ça devient facile de faire plusieurs pièces extrêmement précises, mais toutes variées dans des fins d'assemblage ou peu importe. Donc, ça ouvre des portes qui sont intéressantes. OK. Et admettons là, que, je sais pas, moi ou un auditeur là, t'entends ce soir, puis on aurait envie d'aller à la Chambre blanche. Qu'est-ce qu'on fait? On devient membre? Vous pouvez d'entrée de jeu venir me voir. Moi, en ce moment, je suis là du mercredi au vendredi de midi à 17h, ça, c'est sûr. Venez me rencontrer. Vous pouvez m'écrire aussi. Mon adresse email est sur le site Internet. Et puis, vous pouvez également nous téléphoner là, donc pour voir si on a ce qui correspond à vos besoins, si on a quelque chose qui vous tente. Puis ensuite de ça, si vous avez envie de devenir membre, il y a moyen de devenir membre à la journée pour des projets ponctuels, pour un 30$ de l'heure, à la semaine pour 50$ de l'heure, pour le mois c'est 100, puis l'année 400. Puis ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, je sais pas moi, tiens, tu t'inscris pour une semaine à 50$, puis tu t'inscris pour une deuxième semaine ensuite, nous on te donne le mois, dans la mesure où est-ce que tu as payé le prix du mois. C'est donc ça. Un membre en a toujours pour le maximum de temps pour l'argent qu'il a payé. Là. OK. Écoute, merci beaucoup, Claude-Olivier, d'être venu nous parler de ça. Ça donne vraiment envie, en tout cas, moi, je trouve, d'aller faire un tour du côté de la Chambre blanche, qu'on rappelle, il est sur la rue Christophe-Colomb, ici, dans Saint-Roch. C'est ça, le 185. 185, voilà. Merci voilà. Beaucoup, j'avais pas noté l'adresse. Il n'y a pas de problème. Alors, merci Audrey. Merci beaucoup, bienvenue. Alors, on s'en va faire une courte pause et on vous revient avec la deuxième moitié d'émission. Et je tombe folle amoureuse de lui. C-K-R-L. Ça peut faire mal, ouais. Ouais, QC. Écoute, on n'en est pas là. Ouais, C-A. Cette année, le Radioton de CKRL vous sera présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre de la Capitale-Nationale, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, député de Jean Talon, Sébastien Proulx. La ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, députée de Crémazie, Marie Montpetit. Le ministre de l'Emploi et de Solidarité sociale, député de Charlebourg, François Blais. La députée de Taschereau, Agnès Maltais. Le député de Jean Lesage, André Drolet. Le député fédéral de Beauport, Limoilou, Alupa Clark. Et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Alors, on est de retour pour la deuxième moitié d'émission et cette fois-ci, elle sera consacrée, cette deuxième partie-là, à Doyon Rivet, qui expose actuellement, qui va exposer à partir de vendredi, dois-je dire, à la Galerie 3, bien sûr, une exposition intitulée « Dopamine Opéra ». Et pour en parler, j'ai un des deux artistes avec moi, j'ai Simon Rivet. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien. Alors, c'est une nouvelle proposition que vous nous faites. Peut-être on pourrait présenter aux auditeurs un peu qu'est-ce que vous faites, Doyon Rivet, en tant que duo, parce que ça fait quand même depuis début des années 2000 que vous êtes ensemble, Mathieu. Oui, on a passé le cap des 15 ans. Quand même, en fait, bravo. Oui, merci, c'est bien gentil. En fait, oui, notre pratique est assez, je dirais, variée sur le plan plastique, là, c'est-à-dire qu'on va toucher autant la sculpture, la photo, quoi qu'on vient de la photo d'abord à la base. On a exploré beaucoup la photo, mais aussi la photo en dehors du cadre ou du mur, là. Donc, on a exploré beaucoup la troisième dimension, ce qui nous a amené à la sculpture. On a un travail, je dirais, j'hésite à qualifier ça de conceptuel, mais je pense que ça va plus dans cette veine-là, je pense, que, oui. que dans le côté, mettons, esthétique ou plastique, là. Mais ouais. Ouais. Puis vous jouez beaucoup aussi avec la question du monde des communications aussi, je pense, depuis les tout débuts, finalement. Oui, en fait, c'est le centre de nos préoccupations. On dit souvent non seulement on s'intéresse à la communication, mais aussi à ses manifestations esthétiques, là. Donc, évidemment, au départ, on travaille avec la publicité, qui est un bon exemple de manifestation esthétique de communication. Mais évidemment, c'est notre pierre d'angle, mais on va plus loin que... Oui, ben ça s'exprime de plusieurs manières. Là, on parlait, oui, de publicité, mais on va plus large dans la communication. Là, cette fois-ci, cette exposition-là est un peu aussi inspirée, il faut dire, d'une aventure qui vous est arrivée dernièrement. Oui, en fait, l'aventure est arrivée un peu en fin de parcours, ce qui est un peu un drôle hasard. Mm-hmm. C'est que ce qui nous intéresse dans cette expo-là, c'est vraiment, je dirais, l'aspect virtuel de notre société et ses influences sur le côté réel de la société. Donc, par exemple, pour prendre un exemple très concret, les algorithmes de nos réseaux sociaux, par exemple, qui vont nous un peu organiser ce qu'on va voir, ce qui pourrait donner à croire, par exemple, si, par exemple, moi, j'ai tendance à capoter sur la météo, puis que je like plein de sites de météo-médias puis d'affaires comme ça, bien, ça se peut que la tempête de neige, à la fin de la semaine, elle a l'air beaucoup plus grosse et beaucoup plus dramatique que ce qui était soit prévu ou même ce qui est arrivé pour vrai. Alors, ça peut nourrir des peurs. On le voit, puis on voit cette semaine encore dans l'actualité avec le scandale des données Facebook. Oui. On va jusqu'à influencer des élections d'un des pays les plus puissants au monde en lisant ce genre de données-là. Évidemment, là, je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas dans la catégorie mononcle technophobe ou quoi que ce soit. Là. Ça fait 10 ans qu'on a nos comptes Facebook et l'autre. Donc, on n'est pas du tout. C'est pas une question de technologie ou pas. Là. C'est juste une espèce de constatation que ce prisme-là, donc du web, autant de la nouvelle, parce que c'est vrai pour la nouvelle aussi sur les sites de médias, de différents médias, et la nouvelle, ça a une influence sur notre perception du monde, donc forcément sur la façon dont on agit dans ce monde-là. Exactement. Puis il y a aussi les interactions dans ce monde virtuel-là qui se sont beaucoup transformées avec les réseaux sociaux. Notre manière aussi d'interagir sur le web, finalement, n'est pas du tout la même, ou en tout cas du moins est différente de ce qu'on ferait dans la rue tous les jours, tu sais. Complètement. Il y a l'idée d'anonymat aussi, hein. Ben, l'anonymat aussi, je pense. Le fait qu'on n'est pas face à face à notre interlocuteur. Une forme aussi. D'inconscience aussi. Puis bon, je peux peut-être revenir sur ce que tu disais par rapport à la petite mésaventure qu'on a eue récemment. C'est qu'on a fait une œuvre d'art publique sur le CHUM à Montréal, quand même un hôpital important. Et puis, bon, l'œuvre est très, très vaste. Là. C'est sur 8 étages. Puis c'est composé, là, je fais l'histoire très courte, là, mais c'est composé de 75 000 petites étoiles qui font des montagnes de loin. Mais bon, malencontreusement, il y a eu un mot. Puis sur ces mots-là, sur ces étoiles-là, en fait, il y a des mots. Des mots, exact. Il y a des mots qui sont lisibles de l'intérieur. Puis malencontreusement, il y a un mot peut-être un petit peu trop évocateur de la mort qui s'est retrouvé. En fait, c'est le mot cercueil, là, on va le dire, là, qui s'est retrouvé bon, à l'étage d'oncologie, entre autres. Puis ça a froissé une patiente. Puis je comprends très bien, on comprend très bien. Sauf que ce qui est assez fascinant, c'est que la personne a mis ça sur son Facebook. Puis évidemment, elle a beaucoup de soutien de ses amis, etc. Et ça a été repris. Et là, c'est là que c'est fascinant. C'est que les journalistes, là, on parle de Radio-Canada et TVA qui finalement a abandonné l'histoire. Mais quand même, ils ont repéré la nouvelle, qui n'en était pas tant une dans l'absolu, là, qui a été repérée sur Facebook. Et c'est devenu une nouvelle au téléjournal. Alors ça, c'est quand même fascinant. Et on a eu des contact avec la personne, puis de part et d'autre, et nous et elle, on avait comme zéro envie que ça aille dans cette arène-là. Je pense que la personne avait mal calculé la portée de son post Facebook, en fait. Là. Ben c'est ça, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est public. Puis souvent, on pense qu'on s'adresse aux gens de notre communauté, à nos amis, justement, mais finalement, les répercussions sont beaucoup plus larges. Puis là, cet exemple-là est tout après, à fait probant. Hein? Évidemment, tout ça déclenche une vague d'agressivité, dans notre cas, qui était quand même surprenante. Les gens sont quand même très agressifs, surtout parce que c'est, bon, t'sais, l'art public, c'est l'hôpital, bon, tout ça. Puis les gens mélangent, évidemment, les soins, c'est de la merde, là, œuvre d'art, c'est de la merde. Tu sais, c'est très argent. Oui, c'est agressif, généralement agressif. Et donc, ça nourrit énormément notre expo parce que ça allait exactement dans le sens de ce sur quoi on travaillait, en fait, de nos préoccupations actuelles. Tu sais, on est un petit peu inquiets. Puis ça nourrit un peu notre inquiétude. Je dirais pas que ça nous a fait de la peine, mais on s'est dit, OK, imagine ceux qui ont vraiment quelque chose quelque chose de grave. Là, exact, c'est ça. Ça doit être épouvantable. Ou alors, tu sais, je pensais à Safia Nolin, par exemple, qui a porté le mauvais t-shirt dans un gala. Et écoute, ça a duré pendant des semaines, là, son affaire. Là, pour un t-shirt. Pour un t-shirt. Oui, c'est exact. Et donc, les gens sont très, très, très, très agressifs. Puis, je me trompe sûrement, mais j'ai l'impression que c'est un peu une tranche d'âge aussi. En tout cas, particulièrement dans le cas de ce genre de nouvelles, là, de dépenses publiques. C'est pas du monde de 20 ans là, qui nous envoyait qui nous lançait des roches. Je vais quand même être honnête. Là. Mais c'est ça. Bref, ça nous inquiète un peu. Ça nous inquiète aussi, je pense, un peu généralement un peu l'ambiance sociale. Puis j'ai l'impression que ça met un peu le feu aux poudres. C'est-à-dire que notre vision des choses, tu sais, puis là, je suis certain que ça, on peut étendre ça aux tensions raciales et à tout ce qui se passe aux États-Unis avec le contrôle des armes, etc. Les gens ont des positions de plus en plus campées et de plus en plus agressives. Oui. Et le titre aussi de cette exposition-là va dans ce sens-là. On parle d'opamine opéra. Moi, c'est quand même un titre savoureux. Quand même, on le sait que vous aimez travailler les mots aussi. Et vraiment, je trouve que c'est très évocateur aussi, cette idée-là de dopamine et d'opéra que vous jumelez ensemble. Oui, parce que la dopamine, c'est le vecteur, en fait. C'est ce qui est impliqué dans le cycle de la récompense. C'est ce qui transporte les là, je suis pas du tout médecin là, mais c'est ce qui le véhicule en fait ce qui nous procure du plaisir, c'est par la dopamine. Et c'est vrai pour le sexe, c'est vrai pour le jeu compulsif, c'est vrai tout ça. Et c'est exactement ça qui est sollicité dans le cas des likes sur Facebook et de nos interactions sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, ça joue sur la dopamine. Et puis le côté opéra, ben c'est le côté un peu dramatisation grotesque, on va le dire. Pas une charge contre l'opéra, là, mais disons que quelque chose d'un peu gros, je dirais. Ou, par exemple, hier soir encore, on faisait 5 minutes sur des gens qui ont ramené un chien d'Inde, là, tu sais, puis là, c'est... Ou à l'inverse, tu sais, quelqu'un peut avoir... En fait, on crée des drames où il n'y en a pas, des fois. Mm-hmm. Puis des fois, ça tourne mal, mais des fois, c'est un peu grotesque aussi. C'est qu'on passe, on dirait, du grotesque drôle au dangereux, on dirait. Puis des fois, au pathétique. Aussi hein, dans certaines situations là, j'en ai en tête, je pense que nos auditeurs en ont tous en tête tout là, le monde a, ouais. Aussi, et c'est intéressant parce que on constate au fil du temps aussi que cette pratique là votre pratique artistique est vraiment devient de plus en plus personnelle. Puis je pense qu'avec ce projet là aussi, c'est aussi fort, oui, là, avec la mésaventure qui est un peu nourrie en fin de parcours, comme tu le dis, mais c'est intéressant. Comment ça s'est passé, ce passage-là? C'est très étrange, parce que à la dernière exposition qu'on a présentée à Galerie Toi, je disais, hey, on a rendu qu'on fait des trucs plus personnels, et tout, mais ça s'est poursuivi, en fait. C'est qu'on a vraiment foncé tête baissée, puis ce qui est sorti, c'est plus des inquiétudes que que notre côté humoristique d'abord. Oui. Après, faut voir comment c'est traité, puis j'invite à venir voir l'exposition, parce que il n'y a pas de référence à Facebook, il n'y a pas de référence à l'ordinateur, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a une référence un peu à la mise en scène, effectivement, puis c'est une exposition qui est quand même très éclectique au final, mais je pense que ça apporte, dans tous les cas, il y a beaucoup l'image qui est morcelée. Comme je dis souvent, on voit le monde, mais c'est des tout petites fenêtres, on regarde dans des tout petites fenêtres, c'est on a ça. Plein de petites fenêtres. On n'a jamais la grande vision de ce monde-là. On n'a jamais le portrait, c'est toutes sortes de petites fenêtres. Alors ça, c'est un élément qui revient beaucoup dans les œuvres, les images morcelées. Ça, ça revient. Je ne sais pas pourquoi, mais on a d'abord foncé tête baissée, puis on s'est reculé après, puis on a dit « Oh, attends un peu, là. » On est un peu inquiet, visiblement. Bon, après, évidemment, on pimente tout ça de notre style. Oui, il y a un brin d'humour, d'ironie aussi, qui est propre à tout votre travail, là, c'est la première fois, effectivement, qu'on part de je dirais, ben, là, ça fait 5 fois, je le dis, là, d'inquiétude, mais de préoccupation, peut-être. Puis on est... Je suis pas sûr qu'on est dans le cynisme. T'sais, on va voir quand l'expo va être vraiment monter, mais je pense pas qu'on soit dans le cynisme. Je pense qu'il y a une forme d'observation, il y a une forme de miroir, si on veut, justement pour le côté grotesque de la chose. Mais on a travaillé très intuitivement, puis ça a donné quelque chose de curieusement très attaché. Et ça nous ressemble beaucoup, effectivement. Souvent, on partait sur des séries, des affaires, mais on avait plutôt à l'inverse. On avait l'idée de la série, puis après, on déclinait. Puis là, on dirait qu'on est parti. Ça a fait l'inverse. On a fait plein de trucs un peu éclectiques, puis on a on a fait, attends un peu, ça se tient, c'est donc bien ouais. fou, tu sais. Comment ça se fait? Nos cerveaux sont probablement fabriqués comme ça. Et puis, quel genre de pièces on peut s'attendre de voir? Là-bas, là, tu parlais qu'on touchait à plusieurs médiums, moi aussi. Hein? Oui, bien, on est revenu, il y a une partie qui est très proche de la photo, des affaires qu'on n'a pas faites depuis des années, là, de photos de lumière naturelle, entre autres. Évidemment, ben, vous allez voir, il y a une portion de mise en scène là-dedans. Mm-hmm. On a d'autres artifices là, qui ont été mis plus à la prise de vue. Il y a des trucs abstraits qui, quand même, s'ils viennent chercher, entre autres, il y a une très grosse pièce, c'est tout des reflets sur des morceaux de je cherche le mot en français, de discipline magasin, là, mais mm-hmm. de, dans le fond, de système d'accrochage de vêtements dans les magasins en chrome. Là. Donc, on a vraiment travaillé avec ces reflets-là, puis on a fait une pièce abstraite qui pourrait rappeler un peu les montages qu'on a déjà faits par les années passées avec les cellulaires, entre autres, ceux qui ont suivi. Oui, le siècle des Lumières, c'était magnifique. Lumières. Ben, c'est ça, mm-hmm. mais donc, ça, physiquement, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est un peu la même méthode de collecte mm-hmm. d'images puis d'assemblage ensuite. Et on a de la sculpture aussi. Encore là, c'est pas la sculpture traditionnelle là, par oui. traction, là, mais des éléments 3D si on veut, puis des éléments un peu aussi au mur, mais 3D aussi. Ça fait drôle de parler de ça sans en parler directement, mais... Oui. Mais je dirais un peu de tout, mais il y a l'élément aussi discipline magasin, à défaut d'avoir le bon mot, qui revient quand présentoir, même... Présentoir, oui, on peut le dire comme ça, mais élément de présentoir, en fait. Donc ça, c'est présent dans plusieurs œuvres. Il y a des bras de mannequin à un endroit, par exemple. Mm-hmm. Mais tu sais, on a imprimé sur papier, on a imprimé sur tissu, on a des éléments justement d'images 3D encore. On a gardé un peu cet aspect-là, un peu de nos démarches précédentes dans notre exposition. Donc, Certainement. Ben, je pense que ça va être même si c'est plus personnel, il va y avoir effectivement cette cohérence-là avec ceux qui connaissent déjà votre travail, mais sinon, ce sera une belle occasion de découvrir aussi votre travail ici, parce que ça faisait quand même déjà un bon 2 ans qu'on vous avait pas vu. Oui. Alors, la galerie nous permet ça de rattraper un petit peu. Puis oui, on le sait comment, par rapport à la dernière exposition, moi, je me rappelle le souci accordé à la manière dont vous placez toutes ces œuvres-là dans l'espace qui peuvent se renvoyer la balle d'une œuvre à l'autre. Fait que ça, c'est, si on est assez attentif, on va le voir. Eh bien, Simon, mais je te remercie beaucoup d'en avoir parlé avec nous. Le vernissage est... Vendredi, je pense, 17h30. Enfin, exactement, nous, on va oui. être là à 17h, puis on va attendre... on va vous attendre fébrilement. Ben oui, en tout cas, ça va être l'occasion de vous rencontrer certainement aussi là-bas. Alors, je le rappelle, à la Galerie 3, et c'est jusqu'au 6 mai qu'on va pouvoir voir cette exposition-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer à l'aérospatiale ce soir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Alors nous, on s'en va en pause audio. Écoutez M avec Onde sensuelle. Mmh. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. T'atteindre, mais comment t'atteindre, onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel, pour nous lier jusqu'au ciel. Sens si romantique m'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes. Je te rends un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. Mmh, mmh, mmh, mmh. Et bien sûr, comme à chaque fois, on vous fait un petit résumé des activités, de l'agenda de la semaine, bien sûr, qui a cours. Alors, plusieurs choses à vous signaler cette semaine. Oh, on a un petit... voilà. Donc, il y a une activité cette semaine au Musée national des beaux-arts du Québec, ce mercredi, l'atelier d'Alberto Giacometti de Jean Genet. Donc, c'est une lecture publique parce qu'il faut rappeler que entre 1954 et 1957, Giacometti a rencontré souvent Jean Genet et l'artiste va faire, justement, avec l'écrivain, 4 dessins et 3 tableaux. Donc, et pour le grand portrait de 1955, Genève va poser plus de 4 jours donc avec Giacometti. Et de tout ça, de ces séances de travail-là, va naître l'atelier. C'est 30 pages d'essais sur l'art, de rendez-vous entre entre ces deux personnages-là, de dialogue, de discours. Et on va porter un regard donc sur cet écrit-là avec les comédiens Christian Michaud et Emmanuel Bédard ce mercredi à 19h30 au musée. Donc, lecture publique, c'est 25 $ pour admission générale et pour les membres, 20 $. Sinon, ce vendredi, c'est vraiment un gros vendredi. Si vous voulez voir toute l'effervescence de Québec, vraiment, préparez-vous. À Materia, on ouvre la soirée à 17h. C'est le vernissage de Aiguille en feu de Vanessa Yanov et de Montserrat Durand-Muntadas, 2 artistes de l'univers du textile et du verre et qui vont nous présenter des œuvres qui font réfléchir à la pertinence de la féminité et du travail féminin dans le contexte actuel. Sinon, pas très loin, à la Galerie 3, 17h30, c'est le vernissage de Dopamine Opéra, dont on vient de parler avec Simon Rivet, donc du duo Doyon-Rivet. Par la suite, Méduse, dès 18h, un programme très, très riche qui s'annonce. À Engram, on va pouvoir trouver Structure temporaire, Unfinished Walls, Wallwork, de l'artiste québécoise Anne-Carine Bourdeau-Leduc. Par la suite, on peut se diriger vers Vue et c'est Étant donné de l'artiste française Lucie Rocher et Painter Project du Torontois Simon M. Bénédicte. À l'œil de poisson, on a Forms de Constantinos Taliotis, qui est en fait un artiste chypriote, donc un artiste qui nous vient de loin, pour présenter une installation qui est réalisée spécifiquement à l'œil et qui s'intéresse aux technologies des années 70 et 80. Vous savez, ces gros meubles télé qu'on avait, ces éléments vidéo, comment ça l'a transformer l'architecture, nos architectures très personnelles, les salons de cette époque-là. Alors, si vous avez envie de revivre un peu ce moment-là, ça va être à découvrir dans la Grande Galerie de l'Œil. Et sinon, il y a du côté de la Petite Galerie, c'est une présentation de l'artiste montréalais Francis Chenier et ça s'intitule « Ouvrir ma tête tranquille », une œuvre sur le rapport de l'artiste à la bibliothéconomie, bien sûr. Donc, le rapport au livre va être très présent aussi et ça, on me dit-on que c'était une œuvre participative, donc où vous allez être amené à recomposer certaines choses à partir du travail de cet artiste. Alors, à découvrir. Et sinon, la bande vidéo, il ne faut pas l'oublier, va nous présenter Mascarade de Boris Firquet, un artiste hybride, il faut dire qu'il y a un touche-à-tout, donc qui est à la fois dans le monde de la vidéo, des arts visuels et du cinéma également. Donc, à découvrir dès 18h ce vendredi, partout dans Méduse, et ça va se poursuivre plus tard en soirée. Alors, voilà, il faut dire qu'à noter cette semaine, il y a très peu de choses qui se terminent, on va dire il n'y a rien. Donc, allez consulter sur notre site web. Toutes les expositions ouvrent et plusieurs autres se poursuivent. Vous avez ça sur notre page, l'aérospatial.ckrl. Attendez, un peu, je recommence. l'aérospatial.ckrl.wordpress.com. Et vous allez à la fois retrouver les balados-diffusions de l'émission, donc si vous cherchez quelque chose, et également vous allez pouvoir aussi trouver des petits articles qu'on vous a publiés, ainsi que le calendrier des expositions si vous cherchez quelque chose à faire. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook et Instagram pour toutes les nouvelles en art visuel. On vous publie quelques petites affaires de temps à autre, là, bien sûr, pour vous garder alerte.